T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planet Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. WERS Boston. KLSU. Nord au sud, est en ouest, ouest. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, prenez vos instruments maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et oui, Planet Indie, ça commence maintenant en pleine forme pour cette première émission de l'année 2017. D'ailleurs, je vais en profiter pour eh bien, vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année, qu'elle soit pleine de bonnes choses, de tout ce que vous voulez, de sourires, mais surtout de musique, et à ce niveau-là, eh bien, vous êtes à la bonne place. Restez donc bien branchés sur la fréquence que vous écoutez actuellement. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h30. Pour découvrir le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative. Quel que soit l'endroit où vous nous écoutez, eh bien, il y aura de la musique pour tout le monde. Si vous êtes sur la route, faites très très attention puisque la météo eh bien, annonce des pluies verglaçantes. C'était assez chaotique pour venir. Donc, mais on est là pour vous et donc on est là jusqu'à 18h30. Je vous propose d'ailleurs de commencer en force cette émission avec un extrait de l'album solo de notre ami Robert Buczynski qui vit du côté de Boston. Son album s'intitule Life in a Cold Frame. On a déjà entendu plusieurs fois comment ça s'appelait, The Year That Never Ends. Et on va commencer cette année 2017 avec le morceau Excommunicated. Restez donc bien avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 18h30 et puis il y aura de la musique pour tout le monde. Allez, ça commence tout de suite pour 1h30. Hi, I'm Robert Buczynski from Rigel. You're listening to Planet Indie, the leading European independent radio show. Like this, a night I never will forget. Falling down into a deep, dark abyss, dismissive of the veiled threat. Behind the steel door slams, its reverberation chastising me. How dare you do the very things that I can't? It hollers with indignity. This is what it feels like when you're excommunicated. This is what it sounds like when you're excommunicated. This is what it looks like when you're excommunicated. This is what it tastes like when you're excommunicated. Frigid air, it chills me to my very core.

Voilà, on a commencé cet épisode numéro 380, oui, ça avance de Planète Indie, avec donc Robert Buczynski avec le morceau Excommunicated, et à l'instant un extrait de l'album d'Elijah Ford, accompagné du groupe de Bloom, un album qui s'intitule As You Were. On a écouté la plage d'ouverture, Try As You Might, et pour être tout à fait complet, c'est un album qui était enregistré au studio Harlin à Austin, au Texas. Voilà, on poursuit avec John Rice et End to End, mais avant cela, eh bien, une autre nouveauté, je pense que c'est la première fois qu'on l'entend dans Planet Indie, c'est le groupe The Gravel Horse Project, All About Phase. Did you hear about it? Did you get the call? It never ceases to stop from end to end. End to end. Did you hear about it? Did you get the call? It happened over again and again. Word travels quick to the people now. It never ceases to stop from end to end, end to end. Some people screamed, some people cried, some people ran and some people died. A man with a grudge, he went too far. All over again, man, it was bizarre. It was bizarre. It's better not to know, my friend. I wish we could escape from end to end. I'm going on a flaming gem. I'll see you in the next from end to end. John Rice à l'instant dans vos oreilles avec End to End, avant cela de Gravel House Project, All About Face. Eh bien, j'espère que vous appréciez la programmation musicale de ce début, d'émission, de ce début d'année. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. On est toujours preneurs. Pour cela, vous avez différentes façons. J'en vois deux dans l'immédiat. La première, la plus simple, c'est le téléphone. Enfin, la plus simple, elles sont simples toutes les deux en fait. Le téléphone, le 26 54 00 44. Vous précédez cela du 00 352 si vous nous écoutez à l'étranger. Et d'ailleurs, je vois qu'on nous écoute actuellement du côté de Boston, donc hi Boston. Et l'autre façon, c'est via Facebook. Vous rejoignez le groupe Planet Indie et vous pouvez poster vos commentaires. Ils seront les bienvenus. D'ici quelques minutes, nous partirons à la découverte de notre album Powerplay. Un album et un artiste assez étonnant aujourd'hui, vous allez voir, je n'en dis pas plus. Ce sera une bonne surprise. Avant cela, on écoute encore Jared Fink, Fireproof. Who you want? wanna be, what you wanna feel, how you wanna live, how you wanna die, die. Where you wanna go, what you wanna see, what you wanna get your hands into, into. We're not going down without a fight. Let's make this night amazing and set our fears blazing. Watch them burn. Oh, time to take our turn. Oh, we're young and we're courageous. Climbing up the walls, but I won't choke, won't let it hurt me. I control the pain, rise above the ash, touch the embers without a scratch. Moving fast, like a supernova across the sky. Let's make this night amazing and set our fears blazing. Watch them burn. Ça entraîne, ça bouge pas mal. Je vous rappelle son nom, Jared Fink. Le morceau, c'était Fireproof. C'est extrait d'un EP, six titres, qui s'intitule Criminal. On l'a déjà écouté le mois dernier. On écoutera encore probablement d'autres extraits lors de prochaines émissions. 17h25 minutes, pratiquement 26 minutes. Il est temps, grand temps, de passer à la découverte de notre album Powerplay. Et bien, ce soir, dans Planète Indie, notre Powerplay nous fait découvrir un artiste étonnant, un tout jeune artiste, très très jeune. Il est encore qu'un adolescent. Child Prodigy, comme il est souvent dénommé, donc un prodige enfant, qui a déjà d'ailleurs partagé la scène avec des gens comme B.B. King, bah oui, Leon Russell, Buddy Guy, Johnny Long ou encore Alice Cooper. Vous êtes en train de vous dire quel est ce gamin de 15 ans et qui a déjà partagé la scène de B.B. King ou de Alice Cooper. Eh bien, il a 15 ans donc, il s'appelle Ray Gorin et il est en train de devenir la nouvelle et très jeune figure marquante à suivre dans le monde du blues et au-delà d'ailleurs. Il a d'ailleurs aussi attiré donc l'attention de plusieurs vétérans de la scène blues. On a déjà donc parlé de B.B. King entre autres. Il y a aussi attiré l'attention de Leon Russell et puis des producteurs Eddie Kramer et Steve Jordan qui ont travaillé avec des gens pas mal. J'ai plus la liste, je l'ai vu passer, mais je ne l'ai plus sous les mains. Que vous dire de plus pour commencer cette émission? Eh bien, Ray Gorin, il dit qu'il vient que l'âme de sa musique, elle est liée au blues, c'est sa base. Je vous raconterai tout à l'heure comment il en est arrivé à la musique blues, au monde du blues. Et la plupart du temps, il dit que eh bien, les artistes qui, comme lui, ont commencé dans le blues, ils évoluent souvent vers le rock. Mais lui, il est plutôt resté blues, quoi qu'il a évolué aussi. Il a écouté beaucoup de gens comme Stevie Wonder, Amy Winehouse, Donny Hathaway, Prince. Et puis d'autres artistes plus récents comme les Maroon 5, Arctic Monkeys, Radiohead, Imagine Dragons, et puis de la pop music comme les Weeknd, Drake ou J. Cole. Et tout cela, ça a influencé sa musique, qui est donc un mix, on va dire, de blues, un peu de rock et un peu de pop. Voilà, pour la première partie, je vous propose donc d'écouter un extrait de son album qui s'intitule aussi tout simplement Ray Gorin. On va écouter la plage qui s'appelle Song for Me. C'est notre power play aujourd'hui dans Planet Indie. Je vous rappelle son nom, il s'appelle Ray Gorin. Il a 15 ans et il a déjà eh bien, joué avec les plus grands. Allez, on lui laisse la place tout de suite avec ce morceau Song for Me. Power play. Power play. I'm a club hopper when I wanna be. I'm a ladies' man when I have to be. I don't care what they say, I'ma do my own way. This is a song for me. This is a song for me. Say what you wanna say, I don't give a damn. Sexy on and a little cash. I don't care what they say, I'ma do my own way. This is a song for me. Yeah, this is a song for me. This is a song. This is a song. This is a song for me. Song for me. s'appelle Rigoron, c'est notre powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. Et je vous disais tout à l'heure, dans la liste des artistes qu'il écoutait, il y avait Prince. Je trouve que dans ce morceau Song For Me, c'est tout à fait, on reconnaît tout à fait l'influence de Prince jusqu'à sa façon de chanter et de s'exprimer. Allez, on poursuit avec Lynn Hanson and the Good Intentions et le morceau Water's Edge. Jobs were blade fails trees, large cheap and lovers leave. You knock me down, you got me to my knees. Shot of courage, kitchen knife to time and man took his life. He broke my heart, so I made him bleed. I'm digging in the dark by the light of the moon. For my life, some will be up soon. Oh, I'm digging to hide what I've done as my lover lies dead. I'm digging 6 feet down by the water's edge. Tattered dress, bloody hands, dirt covers my wedding band. I feel cold, sweat running down my back. Thoughts, no sinner's mind. My thoughts are of a different kind. There's no regrets when a soul turns black. I'm digging in the dark by the light of the moon. I'm digging for my life, sun will be up soon. This is Farad, and you're listening to a track from my new album, The Time Is Now. Hi, this is Imagine Dragons, and we hope you enjoy this new track. Hey, this is Larry from Promise Lab, and you're listening to Planet Indie. When they find out I'm alive in here, won't they be surprised when they find out I'm alive in here? They left me for dead and just figured I would somehow disappear. Won't they be surprised when they find out I'm not what they thought? Won't they be surprised when they find out I'm not what they be surprised on that day when hidden things are revealed? Won't they be surprised on that day when hidden things are revealed? Every window, every door flies open and we see what's been concealed. Won't they be surprised when they see me breaking down that door? Jessamine Raines, d'ailleurs en parlant de rain, elle est verglaçante aujourd'hui, la pluie dans la région. Jessamine Raines avec Won't They Be Surprised. Là, les guitares que vous entendez, ça va bouger aussi un peu plus. Il s'agit des guitares du groupe Passing Sirens et le morceau Eyes. Et après cela, ce sera Costis Chavales et Exit. Now I'm here to stay. Voilà, donc c'était Costis Chavales, Exit, et avant cela les Passing Sirens. Et le morceau Eyes, 17h47 minutes et 30 secondes. Retour, si vous le voulez bien, sur notre album Powerplay, l'album éponyme de Ray Gorin. Je vous disais tout à l'heure, en faisant sa présentation générale, eh bien, que c'était un enfant prodige. Vous allez voir qu'on n'est pas loin et que c'est vraiment le cas, puisque à 3 ans, eh bien, il jouait déjà au piano eh bien, des chansons et des comptines d'enfance. Donc il a vraiment commencé très tôt la musique. À l'âge de 5 ans, eh bien, il a commencé à prendre la chose au sérieux, et il était fortement admiratif et fortement influencé, et il écoutait beaucoup d'artistes de jazz, et il pouvait rejouer des morceaux de notamment ses groupes et ses artistes favoris, voilà, comme Oscar Peterson, J.J. Johnson, vous allez voir, on en reparlera un peu plus loin, Lee Morgan, le groupe Thelonious Monk, ou encore Miles Davis. Son père d'ailleurs, à cette époque, à l'âge de 5 ans, lui a acheté des CD et un radiocassette, et il passait des heures et des heures donc à écouter ces artistes. À l'âge de 7 ans, bah, vous voyez voir que ça avance vite, hein. Il a demandé à ses parents de lui acheter une guitare. Avant cela, j'ai oublié de vous dire le moment le plus important pratiquement dans sa carrière jusqu'à présent, c'est qu'il s'est mis à écouter sur Internet aussi des artistes, et puis il cherchait un jour une vidéo de J.J. Johnson, et au lieu de taper les initiales J.J., il a tapé B.B. et il est tombé sur une vidéo d'un clip de B.B. King qui était en train de jouer avec Eric Clapton, Jeff Beck et Buddy Guy et Albert Collins. Et c'est comme ça qu'il a découvert le monde du blues, et il a découvert aussi d'autres artistes de blues comme Albert King, Luther Allison, Stevie Ray Vaughan ou encore Otis Rush. J'en viens donc après sa découverte du blues, il a donc demandé à ses parents de lui acheter une guitare, et c'est à cette époque-là, eh bien, ses parents ont déménagé en Californie, et la suite je vous le raconterai un peu plus tard, parce qu'on va arriver à l'époque où il a vraiment créé son groupe et ses groupes, parce qu'il a deux groupes, et vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc on va écouter un second extrait de cet album. Je suis un peu perdu parce que j'ai des notes un peu partout. Il y a beaucoup de choses à dire sur Ray Gorin. On l'écoute donc avec un second morceau qui s'intitule Stop. C'est donc notre powerplay aujourd'hui dans Planet Indie. Et puis je vous ai mis aussi une vidéo sur la page Facebook de Planet Indie, la vidéo de l'édition 2016 du morceau Save My Soul. Donc n'hésitez pas à aller voir sur notre page Facebook. Voilà. Powerplay. Powerplay. Driving me crazy, I think I've had enough. Every time you come around, you always gotta make a fuss. This running love just gotta stop. My soul just can't go no more. You love me, then you hate me, girl. So now I gotta tell you, baby, stop trying to play games with me. Stop trying to feed me all your lies. Can't be blind with your deceiving. Now I see I must be leaving you behind. Baby, I hoped I could be the one to ease your wicked mind. But this love just can't be set on, cause you'd rather leave me strung out on the line. Oh, sleepless nights and misery, I guess I should've just been moving on. You could try to chase me, but I'm gone without a trace. So baby, stop trying to play games with me. Stop trying to feed me all your life. Voilà, je vous rappelle son nom, il s'appelle Ray Gowron, et si vous restez avec nous jusqu'à 18h30, on écoutera encore un extrait de son album éponyme. Pour l'heure, on change un peu de style musical, on va être un peu plus électronique, avec Lamar D. Soul, le morceau Take You High. Et puis, si vous aimez, n'hésitez pas à le lui dire, vous nous rejoignez sur notre groupe Facebook, il en fait partie. Il n'est pas le seul, il y a plusieurs artistes, il y a beaucoup d'artistes dans ce groupe, donc notamment des artistes qu'on écoute aujourd'hui, hein, Robert Buczynski, ACG qu'on écoutera plus tard. Ils sont tous membres de Planet Indie sur Facebook, donc rejoignez-nous vous aussi. Planete Indie. Hi, this is Sasha Papernick, and you are listening to Planet Indie. Hi, I'm Ann Mercer, and you are listening to Planet Indie. Thank you.

Tonight is a disco night, elle dit la charmante Lyndon Rivers dans ce morceau qui s'appelle Feel the Beat. Avant cela, c'était les Masters of the Illuminati avec 10 Million Years. On poursuit dans la musique un peu ambiance samedi soir, cette fois-ci c'est un peu plus lounge. Avec Drew Beats, on les avait écoutés le mois dernier, avec le même morceau d'ailleurs, Hybrid. Inspiré, expiré, c'est le sous-titre de ce morceau, Inhale, Exhale. Et puis après cela, retour sur notre album Powerplay, l'album de Ray Gowron, album éponyme. Beats avec Hybrid. 18h10, le temps file, c'est incroyable, je ne l'ai pas vu passer aujourd'hui. Hein. On retourne donc sur notre album Power Play, celui de Ray Gorham. On s'était quitté tout à l'heure en disant que eh bien, ses parents lui avaient acheté une guitare et ils avaient déménagé en Californie. Il avait 7 ans et à 9 ans, eh bien, il a vu sur scène Deacon Jones jouer en live et il l'a rencontré. Et pas plus tard que 6 mois après, eh bien, Ray Gorham, il jouait sur l'album de Jones, The Day the Blues Stood Still. En juillet 2012, eh bien, Gorham s'est trouvé aux Bells. C'est un endroit dans le sud de Los Angeles, enfin dans le sud du centre-ville de Los Angeles. Et il était là pour voir un concert et il a rencontré Jamie Blue Boys Powell, qui avait 78 ans, c'est des vétérans du blues, hein, et Harmonica Sammy Lee, 68 ans. Et croyez-le ou non, ils ont joué ensemble et ils se sont trouvés que ça marchait pas mal. Et ils ont formé le groupe de Generation Blues Experience. Imaginez-vous un artiste qui a 12 ans ou 15 ans qui forme un groupe avec deux vétérans de 78 et 68 ans. Donc, c'est peu dire que eh bien, le jeune Ray les a impressionnés. Il a commencé à écrire eh bien, ses propres compositions. En hiver 2013 et au printemps 2004, eh bien, Ray est venu elle est en studio pour enregistrer eh bien, ses morceaux et son premier EP est sorti en 2014. Le groupe Generation Blues Experience eh bien, continue à jouer sur scène un peu partout, essentiellement en Californie. Ils ont joué un peu partout aussi aux États-Unis, mais maintenant ils jouent actuellement plutôt en Californie. Et puis Ray a aussi fondé un second groupe, celui-là qui est plus orienté rock. Un groupe qui s'appelle laissez-moi retrouver dans mes notes parce que je vous dis j'en ai plein. Je ne retrouve plus le nom de ce groupe, mais par contre le Generation Blues Experience, eh bien, il a été approché par Kramer, qui est un ingénieur mais surtout un producteur qui est actif dans le monde de la musique depuis pratiquement 30 ou 50 ans et qui a travaillé avec des gens. Alors là, vous n'allez pas le croire, mais il était producteur pour les Beatles, Rolling Stones, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Peter Frampton et Kiss. Donc voilà, il va ajouter le Generation Blues Experience à son palmarès. Bon, je ne retrouve plus le nom de son autre groupe. Peut-être que d'ici la fin de l'émission, je l'aurai retrouvé. Et puis, je voulais aussi vous parler d'une très belle photo que j'ai trouvée en faisant un peu mes recherches pour préparer cette émission, qui se trouve sur le site du San Francisco Gate, où on voit Ray Gorham, qui a 12 ans. Il est sur scène avec B.B. King et il prend affectueusement la main de B.B. King entre ses deux mains. Il se penche vers lui pour lui montrer son admiration et B.B. King le regarde aussi avec un regard d'envie. Si je parviens, eh bien, je vous la mettrai aussi sur la page Facebook de Planet Indie parce que je trouve cette photo magnifique. Et entre-temps, eh bien, j'ai retrouvé le nom du groupe plus orienté pop. Ça s'appelle Ray Gorham and the Soul Fixers. Voilà. Nous, on reste sur son album éponyme qui s'appelle Ray Gorham. On écoute le troisième morceau pour aujourd'hui. Ça s'intitule Rise Together. Il est temps que je me taise et que je laisse la place à la musique. Power Play. Power Play. Give it up, give it up. Can we all rise? together. And give it up, give it up, give it up, give it up. While the waters continue to rise, drowning the dreams of our future while we live in the past. We can choose to make it better if we want this world to last. And give it up, give it up, give it up, give it up. Can we all rise together? And give it up, give it up, give it up, give it up. Can we all rise together? And give it up, give it up, give it up, give it up. Can we all together? And give it up, give it up, give it up, give it up. Thank you. overboard. Every one of them with a life of his own. Like fluttering birds, all with their own intentions. They darken the earth wherever they flow. Mendacity. This is a word we all should be learning. Mendacity. Now that we know that something is burning. With pride and fraudulent explanations, they powder his face and they pull at his grin. They call out his name in spite of the implications. And the gold dust glint that shines on his skin. Oh, mendacity. This is a word we all should be learning. Now that we know that something is burning, it's more twisting and turning. Cause it curls in the air, call it mendacity. Mendacity. Il est souvent très engagé dans ses chansons, dans ses paroles. Michael Ward accompagné du Dogs and Fishes. Michael Ward with Dogs and Fishes. Le morceau s'appelle Mendacity. On va poursuivre avec Jesse Dayton, Three Packer Code, pour arriver dans la dernière ligne droite de cette émission. Planète Indie numéro 380. Mexico, killing time up on the poop deck, waiting for a friend to show. Walked on over to the jukebox, put a little pocket change in. Saw her dancing on the pool tables, looking like a original sin. She said seven magic words for me. Do you like to fish at night? She said the Reds are running off Oliver right before daylight. I was standing in a state of shock, thinking, oh my God, she's the one. She said, load 'em up in the pickup truck. What's the matter? The cat got your tongue. Well, my mama's good raising and my daddy's education. Lord, it all went out the window, girl. 'Cause you're hotter than a three-pecker goat, wild as a March hare. Looking like a mule kicking in my stall, drinking all the wild goose time. Smooth as a fox in a hen house with a new chinchilla coat. There ain't nothing in the world where we come from hotter than a three-pecker goat. Texas Northern in her hair, driving down the coast from her beach house, doing what I could not stare. And after all the laughing and fishing, kissing and drinking and carrying on that night. She said, drop me back at the poop deck, son, and I'll see you on down the line. Well, my mama's good raisin and my daddy's education lured it out and out the window, girl. 'Cause you're hotter than a three-pecker goat, wild as a March hare, bucking like a mule, kicking in my stall, drinking on a wild goose turn. Smooth as a fox in a hen house with a new chinchilla coat. There ain't nothing in the world where we come from hotter than a three-pecker goat. There ain't nothing in the world where we come from hotter than a three-pecker goat. Oh, this isn't how it was supposed to be. You fill me up and leave me low. I never thought we'd go down this road. What once was sweet, now it's bitter cold. With every word we fall apart. We can't even find a spark, hoping we can leave the dark. I'm taking that love for you, laying everything on the line for you. Ooh, I hope I'm not a fool. I'm not afraid to bleed for you, one step short of almost breaking through. Ooh, will you break too? Ghosts still walk the halls. Photographs are hanging on the walls. Is it all for just a show? A shame for anyone to know. Is it too soon to let go? I'm taking out love for you, laying everything on the line for you. Ooh, I hope I'm not a fool. I'm not afraid to bleed for you, one step short of almost breaking through. Ooh, will you break too? Ooh. It's getting hard for us to face the truth. Weighing heavy on a side of proof. If we don't turn this all around, it's going nowhere else but down. I'm taking out love for you, laying everything on the line for you. Ooh, I hope I'm not a fool. Not afraid to bleed for you, one step short of almost breaking through. Ooh, will you break too? Eh bien voilà, on arrive tout doucement au terme de cette première émission pour 2017, Planète Indie numéro 380. Cette émission est rediffusée demain entre 17h et 18h30 sur cette même fréquence. Et puis la prochaine émission, l'épisode numéro 380, ce sera pour le 4 février en direct depuis les studios de RGL. J'espère que vous avez apprécié la programmation musicale. On a encore un morceau à écouter, ça s'appelle ACG pour acoustique guitare, c'est un peu plus calme. Le morceau s'appelle Dreaming, et comme il est instrumental, j'en profite pour passer en revue rapidement eh bien, la programmation de la Rocale pour ce mois de janvier. Le 14 janvier, le spectacle Spectacular Night of Queen. Donc vous avez compris que c'était la reprise des morceaux du groupe anglais mythique. Le 25, les Herrlich Brothers. Le 27, Bon Iver. Le 28, c'est le Lac des Cygnes, Schwanensee. 30 janvier, c'est le Devin Townsend Project. Le 31, Bastille. Et le 7 février, Benjamin Biolay. Voilà, comme ça c'est rapide, efficace et précis. J'en profite pour vous dire aussi que je vous ai mis sur notre page Facebook la photo de Ray Gorin que je trouvais fantastique, une photo où il est sur scène avec B.B. King et où il tient les mains de B.B. King entre ses mains et il se penche en admiration devant lui. Et on voit aussi dans le visage de B.B. King eh bien, tout le respect qu'il a pour ce jeune artiste. Voilà, je vous quitte avec quelques notes de ACG et le morceau Dreaming et je vous retrouve donc le 4 février en pleine forme pour de nouvelles aventures musicales. À très bientôt.